Je pense que vous êtes un peu stressée, Fabienne. Oh, je suis même plus stressée là. Maintenant, j'y vais juste pour le fun. Ah, alors écoutez, vous avez raison d'y aller comme ça. Parce que c'est mort pour moi. Donc mais c'est pas du grave, tout. Je lui mais souhaite pas chose, du tout. Il faut jamais se dire c'est mort. Parce que figurez-vous que nous n'avions jamais eu 14 bonnes réponses d'affilée. Mais ça veut dire que ce qui n'est jamais arrivé peut arriver aujourd'hui. Et nous aurons peut-être deux fois 14 bonnes réponses d'affilée. Moi, Fabienne, j'ai envie de vous donner cette phrase du grand philosophe Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Okay, et des fois, ça marche. Est-ce que vous êtes en vacances ou avez pu prendre des vacances ou... Oui, je suis en vacances à Nice actuellement. D'accord. Et vous avez deux enfants, est-ce que je peux vous demander leur âge? 26 et 23 ans. Bon, ils seront contents de partir. Ben, c'est pour ça? C'est pour eux surtout. Bah oui, au parc Astérix. Bon, écoutez, vous allez tout tenter. Voilà, on va y aller au fun. C'est pas grave. Le plaisir, c'est de jouer, comme disait un certain monsieur. Mais vous avez raison. Non, je veux que vous il faut y croire. Mais moi, oui. J'y crois. Moi. Vous savez quoi, Fabienne? J'y crois encore, comme disait une autre grande philosophe du XXe siècle, Lara Fabian. Fabienne, je vous pose des questions. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Top chrono. Dans quelle série télé le héros bricole un tas de gadgets avec les moyens du bord? MacGyver. Quel fruit, une fois cuit, peut être plantain? Si vous ne savez pas, vous passez. Je passe. Sur quel tapis épais les amateurs d'arts martiaux s'entraînent-ils? Tatami. Quel humoriste a créé le personnage de Madame Sarfati? Eli Kaku. Quelle partie de l'anatomie du castor est plate? Le museau. En France, quel prénom symbolise la République? Vous passez si vous ne savez pas. Je passe. À quel chanteur doit-on les titres Le mendiant de l'amour et Les filles de mon pays? Je sais plus. Selon l'expression, dans quels vêtements de laine sont cachées vos économies? Le bas. Selon la mythologie, combien de travaux doit réaliser Hercule? 12. Oui, 12 travaux. La mère Foura, 12 travaux, ça va, ça passe, c'est arrivé après le gong, mais ça va bien. La mère Foura, est-ce que le père Foura vous donne des nouvelles de temps en temps? Il profite. Moi, je crois qu'il a une liaison avec Felindra. C'est ça, à mon avis. Renseignez-vous quand même. Vous savez quoi? On passera un coup de fil à Olivier Mine avant la fin de l'été. Je ne dirai pas ce que vous venez de faire avec vos bras, mère Foura, mais c'est pas joli, joli, en tout cas. Bon, Fabienne. Oui. Et je le dis par votre intermédiaire et pour tous les candidats qui vont venir nous rejoindre aujourd'hui, mais également tout l'été sur RTL, quand on ne sait pas, le plus facile, c'est de passer. Ça fait gagner du temps parce que je sais que les réponses sur lesquelles vous avez bloqué, vous les aviez. Mais oui. Le stress de l'antenne et cette pression d'avoir eu quand même une candidate à 14 points avant c'est vous, ça, ça n'arrange rien. Ça. Bon, Fabienne, on va revenir sur vos réponses avec Caroline. Okay. Absolument, le fruit, une fois cuit, qui peut être plantain, c'est la banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais... La partie de l'anatomie du castor qui est plate, vous avez proposé le museau. Et c'est bête parce que les castors, ils parleraient comme ça. Sinon, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai le nez plat. Ah, ben moi, c'est la queue. Voilà, Bruno, avec sa jolie voix sexy, vous a donné la réponse, c'est la queue. Le chanteur à qui l'on doit les titres Le mendiant de l'amour et Les filles de mon pays. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Oui, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Et enfin... C'est Enrico Macias, ça faut donner le nom, quoi. Ah, j'ai pas dit Enrico Macias. Non, c'est pas une évidence. Pardon. Pour tout le monde. Alors, c'est Enrico Macias. Et enfin, le prénom qui symbolise la République, c'est Marianne. Ben oui, exact. Depuis 2-3 jours, c'est Kylian qui symbolise la République. Bon, et chère Fabienne, cela nous fait un total... de 5 points, mais dès le départ, je pense que vous aviez compris que c'est insuffisant pour voilà, le séjour au parc. C'est mais, ça, c'est ça. Mais je vous offre tout de même une montre RTL. C'est gentil, Bruno. Passez un bel été. Oui, vous inquiétez pas, je serai toujours à votre écoute de toute manière. Eh ben, j'espère bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. On vous embrasse, Fabienne. Et merci pour vos messages, d'ailleurs, que vous laissez notamment sur la page Facebook du Grand Quiz de l'été et puis les réseaux sociaux. Le hashtag RTL Quiz. Et vous savez quoi, avant 11h du matin, je m'engage à ce que nous choisissions quelqu'un soit sur la page Facebook, soit sur Twitter, Instagram avec le hashtag RTL Quiz pour nous rejoindre en direct pour jouer au Grand Quiz de l'été. C'est ce que nous allons faire juste après ça. Bonne matinée et bel été en compagnie d'RTL. Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Ravi de vous retrouver tout à l'heure pour un nouvel été d'RTL vous régale. Chaque jour, de 11h à 12h30, en compagnie du globe-trotteur Jean-Sébastien Petit-Demange et de la cuisinière Loana Belmondo, nous voyagerons à travers les bons produits et leurs terroirs. Puis surtout, on va se régaler. RTL vous régale, présenté par Jean-Michel Zeka, c'est tout à l'heure à 11h sur RTL. Leclerc. Papa, viens voir, pour les vacances, on a un Leclerc Drive pas loin de la location. Fais voir. Ah ouais, ça c'est génial. On va pouvoir faire les courses depuis la plage, j'adore l'idée. On peut même les faire avant de prendre la route, comme ça t'arrives et paf, les courses sont faites. Trop fort. Profitez pleinement de votre été en commandant vos courses du quotidien directement sur votre lieu de vacances, sur l'application Leclerc Drive ou sur leclercdrive.fr, à retirer dans l'un de nos 650 drives. En quelques clics, les mêmes prix qu'en magasin, on optimise les vacances. Et si en plus t'envoies maman récupérer les courses? Non mais ça va pas toi. Des rencontres sur internet? Oui, je sais que ça se fait, mais je ne saurais pas par où commencer. Allez sur internet, connectez-vous sur le site disondemain.fr. Découvrez des personnes qui vous ressemblent. C'est facile sur disondemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. RTL, le grand quiz de l'été. 9h36, c'est RTL. Voici Maître Gims et Vianney, que j'appellerai l'aubergine. Si longtemps, il comprendra pourquoi. La même sur RTL. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés ne... Me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, hey, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Maître Gims, Vianney sur RTL. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et les 14 points obtenus par Delphine tout à l'heure, quel score, quelle prestation! C'est le score à battre avant 10h du matin pour repartir avec le premier séjour au parc Astérix. Et c'est Romain qui vient nous rejoindre en direct sur RTL. Bonjour Romain! Bonjour! Bonjour Romain, bienvenue! Oui, bonjour à tout le monde. La chapelle d'Armentières, on est dans le Nord. C'est ça. Vous êtes pet sitter, Romain. Oui. Pet sitter, oui. C'est comme baby sitter, sauf que vous gardez des enfants, vous gardez des animaux. C'est ça. Je fais des gardes pendant que les personnes sont parties au travail, en congé, en vacances, tout ça. Je suis habilité à faire. Ah, jolie la musique. Je suis habilité à faire des premiers soins s'il faut. D'accord. Mais là, ça veut dire que vous êtes en pleine période de travail, alors, avec les gens qui partent en vacances. Ah, bah, pour pas vous mentir, dès que j'ai explosé le premier score avant, là, je m'en vais travailler. D'accord. Alors, eh bien, combien d'animaux vous gardez en ce moment? Oh, bah, là, j'en ai pas mal. Comme c'est une grosse période avec les vacances estivales, je suis complet pendant 2 mois. D'accord. Mais vous êtes complet, ça représente combien de bêtes? Ça dépend ce que j'ai à garder au niveau du secteur où je vais. Là, pour l'instant, pour vous donner une idée, cette semaine, par exemple, j'en ai 6. D'accord. Mais alors oui, parce qu'on fait garder essentiellement des chiens et des chats, ou alors vous pouvez avoir des animaux plus gros? Bah, là, pour cette semaine, j'ai ça et des nouveaux animaux de compagnie, comme des lapins, des consonnats, de tout ce qui est les animaux qu'on a maintenant en général. Mais les par nacs. Exemple, j'ai déjà fait... Oui, c'est ça. D'accord, oui, c'est vrai que si quelqu'un vous appelle en disant voilà. Moi j'ai un lion par exemple à faire garder. C'est vous ou pas? Qui s'appelle Tegrus, qui est magnifique. Hein, il est chez moi, vous pouvez faire ça ou pas? Bah si c'est vous, ouais, il faut juste essayer d'aller un peu plus haut que la Charente-Maritime là, parce que sinon je ne peux pas y aller. Bon, et eh ben écoute, en tout cas, ça. Me permettre un petit détail s'il vous plaît? Mais permettez-vous, Romain. En fait, c'est pour vous, monsieur Guillon. En fait, je fais une dédicace pour mon frère, parce que peut-être que vous vous en souvenez ou pas. C'est moi qui vous ai contacté pour essayer de lui faire une surprise pour ses 30 ans. D'accord. Et je ne sais pas si vous souvenez de moi, mais je suis très mauvais en réseaux sociaux, donc je n'ai pas bien géré le truc. Ah, d'accord, très bien. Parce qu'en général, j'essaye de répondre à ce genre de demande, Romain. Bah, vous avez répondu. Hein, ah, mais... bah, voilà, c'est pour ça, oui. Je fais les anniversaires, les bar mitzvahs, je fais tout, moi, vraiment. Avec des tarifs défiant en toute concurrence. Vous m'appelez et j'arrive avec mon petit camion d'animation. Et après, bon, alors forcément, pendant que je mets des disques et que j'anime. J'espère que ça va bien. Vous montez les mains. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? En cuisine, il y a Caroline Diamant qui s'affaire, qui vous prépare des petits amuse-bouches, etc. Oh, c'est pas en cuisine qu'il faut me mettre pour une bonne soirée, je veux dire. Oh bah écoutez, moi je vous laisse Bruno Guillon pour mon frère, parce qu'il vous écoute sur une autre radio et quasiment tous les jours il me donne des anecdotes sur vous. Par contre, oui. Moi j'irai bien danser Caroline Diamant, pas de problème. Et ben voilà, et ben écoutez, il veut garder Caroline, ça correspond à son métier de pet sitter. Un petit peu de musique, Romain. Moi je suis dans mon pré. Fan des Big Pink Floyd. Tiens, je vous emmène un autre petit. Allez. Et vous savez quoi, je vous emmène un petit dernier parce que... J'adore celle-ci. Ah, je vois que la mère fera me regarder en disant c'est les Pink Floyd. Oui, c'est The Great Gig in the Sky. Excusez-moi. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. J'ai dit ça comme ça. Un peu. Bon, Romain, c'est Caroline qui vous pose des questions maintenant. Et je peux vous dire que si vous avez 14 bonnes réponses, c'est magnifique. Et vous aurez la possibilité de gagner le séjour au parc Astérix. 10 bonnes réponses d'affilée, c'est un chèque de 1000 euros, c'est faisable, vous l'avez entendu tout à l'heure. Caroline, est-ce que vous êtes prête? Oui. Top chrono, c'est parti. Quel est le légume préféré des Bugs Bunny? La carotte. Quelle technique de plongée consiste à retenir sa respiration? L'apnée, oui. Quel mot de 3 lettres désigne un graffiti? Un tag. Dans la série Belle et Sébastien, qui est Belle? Bah, c'est le chien. Comment appelle-t-on un avocat qui ne choisit pas ses dossiers? Oh là, je passe. Que comptabilise un podomètre? Le nombre de pas que l'on fait par jour. Le qui chante le titre Sous les jupes des filles? Lyon, je crois. Dans quel département se situe l'île Dieu? L'île Dieu? J'ai au hasard le Morbihan, mais je suis pas sûr. Qui a été Mister Univers et gouverneur de l'État de Californie? Arnold Schwarzenegger. Quelle boisson donne aux enfants l'impression de boire du champagne? Champagne. Qui a créé le personnage de San Antonio? Punaise, je le sais, mince. Tant pis, je passe. Frédéric Dard. Et vous auriez passé avant. Ah, j'ai honte, mon père, il disait ça en plus. Mais n'ayez pas honte. Vous savez quoi, c'est toujours beaucoup plus simple d'écouter la radio, d'être tranquille chez soi ou au travail, de se dire « Ah bah là, j'aurais eu 10 bonnes réponses d'affilée. » Et puis quand on se retrouve face à deux monstres de la radiodiffusion française, et je parle pas du talent, je parle du physique, eh bien je peux vous dire que c'est pas la même mayonnaise. Bon, allez, on va revenir sur vos réponses, Romain, bougez pas, juste après ça. Bonne matinée et bel été avec RTL. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, votre déménagement, c'est bien plus qu'une simple ouverture de contrat. Vous profitez des nouvelles offres d'électricité verte et de gaz d'EDF et de conseils personnalisés pour vous aider à faire des économies d'énergie. Appelez le 3004, tous nos conseillers sont en France. Service et appel gratuit. Offre de marché soumise à condition. Disponible sur particulier.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, elles sont à l'eau. Allô, allô. C'est ça, oui, allô, les glaces chez Lidl. Et dès demain, la box de 11 glaces à l'eau est à 2,59€. 11 glaces à l'eau à 2,59€, 24 centimes la glace, mais ils sont complètement givrés. Ah bah, sûr que ça jette un froid, hein. Mais 11 glaces avec 4 parfums différents à ce prix-là, bah, c'est à prendre et aller chez patron, hein. Ton humour me laisse de glace, tu es malin. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 11 fois 48 grammes, 4,92€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de feu vert. Sur la route en été, un moteur, ça peut chauffer. La facture aussi en cas de panne. Alors pour les vacances, roulez tranquille. Jusqu'à moins 30 euros sur la révision toute marque. Moins 30 euros, garantie constructeur préservé bien sûr. Et 9 clients sur 10 qui recommandent feu vert. C'est ça, la patte de l'expert. Offre valable jusqu'au 11 août, voire conditions sur feuvert.fr. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Et Romain qui a joué avec nous il y a quelques secondes, bien entendu, c'est la carotte, le légume préféré de Bugs Bunny. Le tag, c'était une bonne réponse également, ce mot de trois lettres qui désigne un graffiti. Vous avez bloqué par contre Romain sur l'avocat commis d'office, c'est celui qui ne choisit pas ses dossiers. Sous les jupes des filles, ça n'était pas Lio. Rétine et pupille, les garçons. Ah ouais, là je suis loin là. J'adore Alain Souchon. Tiens, vous savez quoi, avant 11h du matin, je vous sors un petit Alain Souchon de ma playlist. D'accord ? Je vais regarder, je vais faire ça. C'est en Vendée que se trouve l'île Dieu. Si elle était dans le Morbihan, elle a bougé durant la nuit. Mais alors du coup, ça va nous amener l'île d'Oléron en face de Biarritz. Ça va être un pataquès sans nom. Moi, ça me dérange pas, vu que je savais pas où elles sont, ni l'une ni l'autre. Le Champomy, vous l'avez bien cité. Et c'est Frédéric Dard qui a créé le personnage de San Antonio, riche à votre papa. Claire, à votre papa. Bon, Romain, vous venez de cumuler 7 bonnes réponses. C'est une montre RTL qui part du côté de la chapelle d'Armentières dans le Nord, d'accord, avec en plus bisou de Caroline. Un énorme bisou. Sur l'enveloppe. Donc bah c'est super. Si vous pouvez faire une petite dédicace pour mon frère Cédric, s'il vous plaît, Monsieur Guillaume, parce qu'en plus, du coup, vous avez dit que vous avez un lion. Lui, il vient de m'annoncer qu'il avait un chameau à garder. Eh bah très bien. Écoutez, comme ça, on est fait pour s'entendre. Je fais ça sans problème, Romain. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous appelez le 3210, un autre candidat, avant 10h du matin, le temps d'écouter Stevie Wonder. plaisir de réécouter Stevie Wonder. Isn't she lovely sur RTL. Bonne matinée et bel été sur RTL. Noroto. Oh, le vélo, c'est super. Enfin, surtout quand on pédale sans effort. Chez Noroto, si vous achetez un vélo à assistance électrique, on vous offre 200 euros de réduction. Moi, ça me branche bien. Jusqu'au 28 août chez Noroto, profitez de 150 euros de réduction et de 50 euros d'accessoires vélo au choix pour tout achat d'un vélo Westcrawl à assistance électrique. Ah, maintenant, vous êtes au courant. Noroto. Conditions sur noroto.fr. Prime Day, c'est jusqu'à ce soir minuit sur Amazon. Il est encore temps de profiter de ventes flash incroyables. Tentez par une tablette ou un hamac, des produits de beauté, des écouteurs ou le tout nouvel Amazon Echo. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Bose, Huggies et Dyson, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon jusqu'à ce soir minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Lorraine. En Lorraine, les magasins U font confiance à la maison Pierra depuis 1970. Le produit phare de cette charcuterie, c'est le filet mignon. Élaboré exclusivement à base de viande de porc française, délicatement frotté au sel sec et aux épices, puis fumé à basse température à la sueur de sapin des Vosges, à ce niveau-là, il est plus mignon le filet. Il est carrément canon. U. Commerçant autrement. Pour votre santé, bougez plus. RTL. Quel est votre signe ? Christine Haas, Laetitienne Allais. Cet été, quel est votre signe de retour sur RTL ? Avec Laetitia, nous vous attendons pour répondre à vos interrogations. Vous voulez participer à l'émission et connaître votre thème astral ? Inscrivez-vous au 3210 ou par mail astro2018@rtl.fr. Quel est votre signe ? Sur RTL. Alors à ce soir, dès 20h sur RTL. 50 centimes la minute. RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. 32-10 pour jouer en direct sur RTL tout l'été avec nous, ou alors par SMS RTL que vous envoyez au 74-900. C'est ce qu'a fait Céline qui joue avec nous ce matin. Bonjour Céline, bienvenue sur RTL. Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bonjour Céline, bienvenue sur la première radio de France. Merci. Vous dites que vous seriez ravie de rejouer avec nous. Donc, oui. Nous avons eu le plaisir de jouer avec vous l'été numéro 1, l'été numéro 2. Voilà, l'été numéro 1, il y a 2 ans, oui. Et alors, ça vous avait porté chance ? Oui, beaucoup. Ah, bah, parfait. Eh ben, oui. Alors, écoutez, nous avons une charmante standardiste qui nous dit que vous faites du... Et elle s'est arrêtée là. Alors, c'est un suspense insoutenable. Et j'aimerais bien savoir quelle était la fin de votre phrase. Je pense que c'était de l'acupuncture. Ah oui, elle s'est dit acupuncture, je ne vais pas l'écrire. Oui, elle s'est dit ça va être trop compliqué. Vous en faites, c'est-à-dire vous en recevez ou vous êtes praticienne ? Je suis praticienne. Ah, c'est génial, c'est ça, magique. Dit-on. Oui, l'acupuncture. Ah ouais. Oui, moi je fais beaucoup d'acupuncture. Mais ça, c'est vrai, c'est top. C'est un peu la médecine chinoise, avec sur les pieds, sur les mains, on a des points qui permettent de relier directement le pancréas, la rate, etc. Et pour arrêter de fumer aussi, ça aide beaucoup l'acupuncture. Ah non, c'est super. Alors écoutez, je vais vous laisser entre les mains délicates et non piquées de mon camarade Bruno, qui va vous poser des questions. Vous avez entendu, vous savez qu'il y a 14 bonnes réponses d'affilée, mais si vous en donnez 15 pas d'affilée, c'est pas grave. Le séjour serait à vous néanmoins. Ça serait super, ouais. Eh bien, ça va se jouer maintenant. Céline, top chrono, c'est parti. Dans quelle discipline Teddy Riner a-t-il remporté 10 titres de champion du monde ? Le judo. Quel est le nom français pour un email ? Un e-courrier. Quel pays de l'hémisphère sud est connu pour ses dingos et ses kangourous ? L'Australie. Quelle émission culinaire Julie Andrieux présente-t-elle sur France 3 depuis 2012 ? Les carnets de Julie. Que produisent les glandes sudoripares ? La sueur. Quelle chanteuse a interprété les titres Je suis un homme et Rodéo ? Vas-y. Au restaurant, comment appelle-t-on le café servi avec un assortiment de mini-desserts ? Un café gourmand. Que signifie le O et le M de Dom Tom ? Outre-mer. De quelle académie Eric Orsenna fait-il partie ? L'Académie française. De quelle racine est issu le tapioca ? Le manioc. Quel jour de la semaine paraît le canard enchaîné ? Le vendredi. Comment appelle-t-on la personne chargée de l'entretien d'une église ? Le bedeau. À quel réalisateur doit-on le film Les Tontons Flingueurs en 64 ? Blié. Non, c'était Audiard. Ouais, au pire, je peux vous dire la mère Foura. C'était Georges Lautner. Ah, Lautner, bah, je savais pas. Je l'ai éparpillé aux quatre coins de Paris, façon puzzle. Oui, alors je connais bien le film, mais j'ai pas retenu qui c'est qui l'avait fait. Bon, allez, on revient sur vos réponses, si vous le voulez bien, avec Caroline Diamant. Alors, le canard enchaîné ne paraît pas le vendredi, mais le mercredi. Oui. Et comment appelle-t-on la personne chargée de l'entretien d'une église ? Vous nous avez proposé un bedeau, je vous propose un sacristain. Ah, c'est bien aussi, oui. C'est pas mal. Oui. Et puis le réalisateur des Tontons Flingueurs, film mythique, s'il en est, c'est Georges Lautner. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Et puis, la racine issue du tapioca, je n'insiste pas au plaisir de laisser François Touchard, qui réalise cette émission, d'illustrer la bonne réponse, le manioc, avec cette chanson. She's a maniac, maniac, c'était donc le manioc, c'est Zazie qui a chanté « Je suis un homme » et « Rodéo ». Pardon, je vous ai dit une bêtise, le bedeau c'est accepté donc comme bonne réponse pour la... Ça va, super. Oui. Ce qui veut dire que vous avez cumulé, chère Céline, 10 bonnes réponses. C'est pas 14, mais ça vous permet quand même de repartir avec une montre RTL, d'accord Céline? Ok, parfait, super. Sachez que le e-courrier vous coûte 1000 euros. Parce que aviez répondu courriel, vous enchaîniez 10 bonnes réponses. Nous faisions pour la première fois un deuxième chèque de 1000 euros. On vous embrasse très fort, bravo. On va se réinscrire. Delphine. Oui, oui. Le séjour au parc Astérix, c'est pour vous, bien entendu, avec vos 14 bonnes Delphine réponses. Merci. C'est la vous totale. Vous allez vivre une expérience authentique en famille ou entre amis, découvrir les 45 attractions et spectacles du parc. Oui. C'est pour 4 personnes, 4 entrées pour 2 jours avec une nuit à l'hôtel Les Trois Hiboux si vous le désirez. 4 déjeuners et 4 dîners également offerts. Magnifique, franchement, je sais pas quoi vous dire, je vous remercie. Mais bravo à vous, c'est vous qui l'avez mérité. Merci. Caroline, je voulais juste vous souhaiter une bonne fête, parce que je crois que c'est votre fête aujourd'hui. Oh, merci, c'est un peu beaucoup. Sa fête tous les jours, hein, vous savez. Hein. Et la nôtre par la même occasion. Céline, on vous embrasse. Bisous. Merci. Et savourez. Allez, un nouveau séjour au parc Astérix à gagner dans la prochaine heure. Pour l'instant, merci d'écouter RTL, il est 10h du matin. Et c'est Mélina Fachin pour le Flash, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Le grand retour au pays des héros. Hier, après un mois de compétition en Russie qui s'est fini en apothéose, les Bleus sont rentrés en France. Nos champions du monde 2 étoiles ont défilé en bus à Impérial sur les Champs-Élysées devant 300 000 supporters euphoriques. Comme prévu, ils ont ensuite été reçus en grande pompe à l'Élysée par Emmanuel Macron, mais rien de vraiment protocolaire lors de ce rendez-vous. Le président de la République a fait un discours très court pour encourager les joueurs à ne jamais changer et à toujours se rappeler d'où ils viennent. Paul Pogba a fait le show au micro devant 3000 invités dans les jardins de l'Élysée, les familles des joueurs et des centaines d'enfants de divers clubs sportifs. Petite déception tout de même pour les supporters par la suite. Les Bleus ne sont pas apparus comme on l'espérait et comme en 98 au balcon de l'hôtel Crillon, place de la Concorde pour brandir la Coupe du Monde. Pour la plupart des joueurs de l'équipe de France, désormais c'est les vacances. Emmanuel Macron lui se remet au travail. Il reçoit en ce moment les syndicats pour renouer le dialogue. L'agenda social de la rentrée sera chargé. Plan pauvreté, assurance chômage, retraite. Laurent Berger était notre invité ce matin sur RTL. Le secrétaire général de la CFDT compte bien profiter de cette rencontre pour chercher le fond des sujets et mettre en garde Emmanuel Macron sur sa volonté, je cite, de passer seul. Thierry Soler, en garde à vue, on vient de l'apprendre, le député En Marche est soupçonné de fraude fiscale. L'un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine. C'est en ces termes très virulents que le sénateur républicain John McCain a qualifié la rencontre Trump-Poutine hier à Helsinki en Finlande. Il est notamment reproché au président américain de s'être montré beaucoup trop conciliant avec son homologue russe et d'avoir fait preuve de faiblesse. Donald Trump a en effet refusé de condamner l'ingérence russe dans les élections américaines. RTL, Tour de France 2018. Après une journée de repos hier, les choses se corsent aujourd'hui sur le Tour de France avec la 10e étape. Rebonjour Laurent Jalabert. Bonjour. Ce matin, le Tour change d'horizon, direction les cimes. Oui, fini les étapes de plat et de plaine, fini les pavés et les gros braquets. Cette fois-ci, on change de rapport, on change de développement. En 36 et le Grand Bornand, pas moins de 5 Grands Prix de la Montagne, avec notamment le col de la Croix-Frie en première catégorie, le plateau des Glières, très difficile, plus de 11% de moyenne. Une étape qui va connaître un dénouement certainement musclé avec le col de Rome et dans l'enchaînement le col de la Colombière avant de plonger sur le Grand Bornand. Voilà des noms qui font quand même peur. Voilà une étape qui sera difficile à affronter après une journée de repos, après une étape de pavé qui aura marqué les organismes. Comment vont réagir les différents leaders? C'est la grande question. Barguil a l'air en jambes, il a l'air bien, il ne fait pas de faute, il semble même concentré à vouloir faire le classement général. Il en a fait, je pense, un objectif secret. On connaît les ambitions de Romain Bardet dans ce domaine. Lui, il veut être sur le podium de ce tour, ça n'est pas un secret. Donc on attend évidemment beaucoup de ces deux garçons dans la montagne. Merci Laurent, on se retrouve tout à l'heure après toutes ces ascensions. Nous arrivons au Grand Bornand, c'est la 7e fois que le tour fait étape au Grand Bornand. À tout à l'heure, bonne route. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, messieurs Jean-Michel Rascol et Laurent Jalabert. La Bourse de Paris est ce matin à l'équilibre, moins 0,04%. Le CAC 40 tourne autour des 5407 points. Le temps cet après-midi, quelques averses dans le Grand Est et des risques d'orages en Alsace. Partout ailleurs, de belles éclaircies et un grand soleil dans le sud, le long des Pyrénées et de la Méditerranée. Les températures cet après-midi, 20 degrés à Cherbourg, 22 à La Rochelle, 25 à Paris et Lille, 27 à Clermont-Ferrand, Chambéry et à Ajaccio, 29 à Strasbourg et Digne, et jusqu'à 34 degrés à Avignon. Les courses aujourd'hui auront lieu à Vichy. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 9, le 10, le 4, le 3, le 11, le 15 et le 7. La dernière minute de Dominique, c'est le 4 Mutrafort. RTL, il est 10h04. Tout de suite, vous retrouvez Bruno, Caroline pour la suite du grand quiz de l'été. Merci Mélina Fachin, on vous retrouve tout à l'heure à 11h pour un prochain point sur l'info. À tout à l'heure. Belle matinée sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Soutenir les Restos du Cœur, c'est offrir toute l'année une aide alimentaire aux plus démunis. C'est aussi favoriser l'accès aux vacances et à des activités culturelles et sportives, afin d'aider à sortir de l'isolement et du quotidien difficile. Pour faire un don, rendez-vous sur www.restoducœur.org. On compte sur vous. Avec RTL. Jean-Yves Chaperon sur RTL, l'heure du jazz. RTL est à Juan-les-Pins avec les meilleurs concerts du plus célèbre des festivals de jazz. Sur scène, Marcus Miller, Norah Jones, David Sanborn, Ibrahim Malouf, Chick Corea et plein d'autres. C'est pour vous, sur RTL, c'est l'heure du jazz. L'heure du jazz, spécial jazz à Juan. C'est toute la semaine à partir de 23h. Sur RTL. Leclerc. Papa, viens voir, pour les vacances, on a un Leclerc Drive pas loin de la location. Fais voir. Ah ouais, ça c'est génial. On va pouvoir faire les courses depuis la plage, j'adore l'idée. On peut même les faire avant de prendre la route, comme ça t'arrives et paf, les courses sont faites. Trop fort. Profitez pleinement de votre été en commandant vos courses du quotidien directement sur votre lieu de vacances, sur l'application Leclerc Drive ou sur leclercdrive.fr. À retirer dans l'un de nos 650 drives. En quelques clics, les mêmes prix qu'en magasin, on optimise les vacances. Et si en plus t'envoies maman récupérer les courses? Non mais ça va pas toi. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. 9h11, votre rendez-vous tout l'été sur RTL. Venez nous rejoindre ici et nous rejoindre sur le ring. Dans le coin gauche, accusant 28 kilos à la pesée, la cogneuse des Barbades. Le punching ball des grosses têtes, j'ai nommé Caroline Diamant. Des Barbades, oui, Rihanna et moi, on est jumelles. Dans le coin droit, éducateur spécialisé dans les Côtes d'Armor, il s'appelle Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour Damien. Bienvenue sur RTL. Non, rassurez-vous, vous n'allez pas vous battre, hein. Damien. Vous allez juste... Non, j'ai eu très peur. Hein. Vous allez juste ni jouer. Ni on va se battre, ni je fais 28 kilos. Vous allez jouer pour tenter de repartir avec le deuxième séjour au parc Astérix de la matinée. Pour partir en famille, vous aussi, un séjour de 4 personnes qu'on vous propose. Je rappelle que tout l'été, le parc Astérix est ouvert jusqu'à 22h. Destination le parc Astérix pour vous et votre famille. Vous allez jouer dans quelques minutes avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord, Damien ? Complètement, tout bon, à fait. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est un petit pink pour attaquer cette nouvelle heure. Voici okay. Whatever You Want. So. Running like a dog, fighting like a too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give too shit, 'cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, 'cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I'll fall apart. I feel like a ship's going down tonight, but it's always darkest before the light, and that's enough for me to try. Whatever you want, whatever you need, whatever you do, even if I say that it's over now, even for me. Ship's going down tonight, but it's always darkest before the light, and that's enough. Full Trauma, c'est le nouvel album de Pink, d'où est extrait Whatever You Want. Le grand quiz de l'été sur RTL. Damien est donc le premier candidat de cette nouvelle heure. Je vois que vous êtes fan de football, Damien. Vous devez être bien triste oui. depuis avant-hier. Plus de matchs. Et le championnat qui ne redémarre qu'au début du mois d'août. Que va-t-on faire ? C'est déjà très tard. Exactement. Ayons une petite pensée pour tous ces fans de foot qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Voilà. qui re-regarde évidemment les best-of de la Coupe du Monde en se disant « Oh, je veux ma dose de Mbappé. Faites-moi un shoot de Griezmann, faites quelque chose. » Non mais vous plaisantez là. Sauf vous, évidemment, Caroline. Bah oui, on commence à respirer à peine, après cette joie immense, soit. Mais bon, on l'a mérité. Cela dit, en parlant de football, vous avez un petit surnom en rapport avec le foot, Damien ? Oui, mais oui. Étant avant-centre et étant fan du joueur Ronaldo, on m'a attribué le petit surnom de Gronaldo, étant donné que je suis un peu trop petit pour mon poids. D'accord, ça fait toujours plaisir. On m'a appelé Gros Quick, moi, pendant un moment, donc je peux comprendre. Damien, allez, c'est Caroline qui va vous poser les questions. Vous lancez le Grand Quiz pour cette nouvelle heure. Vous allez donc tenter de faire le score qui devra être battu d'ici 11h du matin. Damien, est-ce que vous êtes prêt ? Prêt. Top chrono, on y va. Que perd un serpent quand il mue ? Sa peau. Quelle est la capitale du Brésil ? Brasilia. Quel héros littéraire est le double maléfique du Dr. Jekyll ? Mr. Hyde. À quelle année est associé le slogan « Il est interdit d'interdire » ? 68. Dans le maillon faible, quel mot prononçaient les candidats pour mettre de l'argent dans la banque ? Dans la cagnotte, on va la baser et je vous donnerai des secondes en plus. Quel fruit entre dans la composition des calissons d'Aix ? Le melon. Quel est le nom du duo qui représentait la France à l'Eurovision ? Passe. Quel animal ? Madame, monsieur. Quel animal vrai ? L'âne. Dans quelle ville se trouvent les studios de cinéma de Cinecittà ? New York. Quelle femme de lettres était surnommée le castor par Jean-Paul Sartre ? Françoise Sagan. Quelle pièce est absolument à protéger dans un jeu d'échecs ? Trop tard. Je peux vous dire que la mère Fourra... La mère Fourra est en train de me faire des signes. Elle vous l'a pas pris, le roi. Moi, je pense qu'il faut lui prendre parce que j'ai fait une erreur. Oui, non, avec mais une je lui donne. Question. Banque, oui, on lui donne. Ah non, c'est banque, c'est moi qui l'ai dit, on lui donne le roi. Ah oui, non, mais j'aurais donné banque, moi, sinon. D'accord. Bon, donc on en donne une des deux. Bah voilà. Donc comme ça, vous n'avez pas perdu de points. Bah, exactement. Revenons donc, dans le maillon faible, quels mots prononcé les candidats pour mettre de l'argent dans la cagnotte ? C'était banque, évidemment. Qui a mal énoncé la question et ne pourra pas revenir demain dans le grand quiz de l'été ? Caroline Diamant, au revoir ! C'était violent quand même ce jeu. J'adorais. Je suis fan de Laurence Boccolini. Le melon entre bien dans la composition des calissons d'Aix. Alors, je suis très surpris parce que quand on dit Cinecittà, on pense Italie en général. Ah ouais. Vous avez proposé New l'accent. York, mais oui. C'était l'accent qui était pas bon. L'accent de Caroline. Pardon ? Dans quelle ville se trouvent les studios de cinéma de Cinecittà ? C'est à Rome. J'ai dit Cinecittà. Ah oui. Et puis. Gentiment surnommé le castor par Jean-Paul Sartre. Il s'agissait de Simone de Beauvoir. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor. Est-ce qu'on peut ne pas adouber les choix que fait François Touchard parfois pour illustrer les questions ? Mais surtout, je ne connais pas ça. Qu'est-ce B. Castor ? C'est un dessin animé des années 90, 2000 peut-être ? Oui, c'est un dessin animé, très bien, avec un castor. Eh bien, je ne connaissais pas B. Castor. Damien, par contre, je connais votre score. Eh bien, allons-y. Oui, bonne réponse. Oui, bonne réponse, c'est le score à battre avant 11h du matin pour tenter de repartir avec le séjour au parc Astérix. La seule certitude que j'ai pour l'instant, Damien, c'est que vous allez recevoir une montre RTL, la toute nouvelle montre RTL, avec un magnifique bracelet tissu bleu, blanc, rouge, extrêmement tendance. Ça part chez vous du côté des Côtes d'Armor. D'accord, Damien ? Eh ben c'est gentil, merci beaucoup. Et si je vous rappelle, juste avant 11h du matin, c'est qu'en plus, il y aura le parc Astérix. Ce qui fera plaisir, je pense, à vos deux enfants. Comment se prénomment-ils ? Pierre et Manon. Eh bien, Pierre et Manon vont rester dans les spectatifs pendant encore trois quarts d'heure, peut-être à tout à l'heure, Damien. Mais ben, je vous remercie beaucoup. On vous embrasse. À tout à l'heure. Je vous ai promis il y a quelques secondes de vous ressortir un Alain Souchon. Suite au questionnaire que nous avons eu où Alain Souchon était la réponse, j'en ai trouvé un. Il y a plusieurs Alain Souchon. Non, vous dites je vais sortir un Alain Souchon. C'est pas grave. Faites attention quand même. N'abusez pas de cette patience. Oui, je pars avant de faire l'été avec vous. et je pars pendant 10 mois, d'accord ? Chez des bonzes, au fin fond du Tibet, dans un stage, pour être zen, mais n'abusez quand même pas de ma patience. Allez, on revient sur RTL après ça. Air Castor, raconte-nous une histoire. Bonne matinée et bel été en compagnie d'RTL. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je vous souhaite de passer un très bel été à l'écoute d'RTL avec du bonheur, de la joie et surtout du soleil. Nous sommes toujours à vos côtés sur la première radio de France. L'Auto Leclerc. Monsieur, s'il vous plaît, ouais. Dites avant de partir en vacances, je voudrais faire réviser les freins de ma voiture. Eh, vous avez raison. C'est essentiel d'avoir un bon système de freinage avant de prendre la route. D'ailleurs, en ce moment, chez l'Auto Leclerc, pour l'achat et la pose d'un jeu de disque de frein Valeo, les plaquettes sont à 1 euro. 1 euro. Du 17 juillet au 18 août, dans les centres L'Auto Leclerc, pour l'achat et la pose d'un jeu de disque de frein de la marque Valeo, le jeu de plaquettes de la même marque est à 1 euro. Voir modalité dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. La sécurité, ça passe par des freins irréprochables. Commerçants, artisans, restaurateurs, vous avez besoin de recruter rapidement ? Envie d'un outil efficace pour trouver votre prochain employé ? Sur cornerjob.com ou sur notre application, recrutez de façon simple et rapide. 200 000 entreprises ont déjà choisi Cornerjob. Postez votre offre d'emploi en une minute et contactez les candidats directement sur leur mobile. Cornerjob, rejoignez l'équipe. Il y a les livres que l'on apprécie. Et un jour, il y a celui qui est comme un coup de foudre, qui devient comme un ami. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin fait partie de cette famille. Car Valérie Perrin a un don, nous parler de la vie, de notre vie, tout en révélant ce que le quotidien a de magique. Et cela avec un humour qui a le pouvoir de transformer les larmes en sourires, et parfois même en rire. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, prix Maison de la Presse. Changer l'eau des fleurs, une révélation Albin Michel. Le grand quiz de l'été sur RTL, Bruno Guillon, Caroline Diamant. J'ai choisi ce titre d'Alain Souchon. Est-ce que ça va à tout le monde ? Oui ! Dans le studio, tout le monde est d'accord, mais maintenant, je demande aux 2 millions d'auditeurs d'RTL. Oui ! Levez la main, hop, je fais l'appel. Cindy de Toulouse. François de Romorantin. Excusez-moi, j'ai 2 millions de noms. Oui, ça va être long. Et alors, chaque auditeur d'RTL mérite le statut de star et qu'on s'intéresse à lui. Bien sûr. Eh bien, c'est pour vous, là, tous, qui êtes en train d'écouter la balade de Jim d'Alain Souchon sur RTL. Comme elle est partie, Jim Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. La presqu'île, le boulevard de la mer est con. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne en rond. Hier soir encore, son héroïne le serait. Soleil, c'est attention, Jimmy veut lui plaire. La balade de Jim, avec un clip magnifique qui mettait en scène Alain Souchon dans les différents rôles, dont celui de Jim. Sur RTL, 10h23. Le grand quiz de l'été. Sur RTL. C'est le grand quiz de l'été. Damien a fait 8 points tout à l'heure. C'est le score à battre pour repartir avec un séjour au Parc Astérix. Et j'avais promis que nous irions faire un tour sur les réseaux sociaux pour choisir un candidat. C'est chose faite, Caroline. Absolument. Et nous avons choisi Céline, qui s'est inscrite via Facebook. Bonjour Céline, bienvenue sur RTL. Bonjour. Bonjour Céline, bienvenue sur RTL. Nous sommes ravis de jouer avec vous. Vous savez donc que le score à battre, c'est 8 bonnes réponses. On va essayer. Ah oui, mais vous allez essayer, peut-être réussir. Attendez, il faut y croire. Et pour vous détendre, je vois que vous êtes fan et des années 80 et des blind tests. Je vous propose que Bruno réunisse les deux pour vous. Oh bah alors là, si vous me demandez, je peux vous dire que j'en ai sous le coude. Attention, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. One. Bien, un point. Début de soirée, non, pas Peter Sloan. Peter et Sloan. Peter et Sloan. Oui, pardon. Ah non, attention, et je mets pas que du simple, je mets pas que du tout venant, ça par exemple. C'est pas Brocola, ça ? Non. Philippe non, Cataldo. Ça ne verra jamais dans les discos. On connaît plus la chanson, moins le nom, là. Oui, oh, et dites donc, oui. Attention, je vous en remets un autre. Exact. Yeah. Vous en voulez un petit dernier ou pas ? Ah oui. Quand je oui. vous sors des sons comme ça, je vois que vous aimez bien. Il jouait dans la série Dynasty dans les années 80. Patrick Dufy ? Non, pas du tout, non. C'était l'homme de l'Atlantide et Dallas, c'est pas la même chose. C'était Al Corley, comme vous le voyez. Oui, tout à fait. Al Corley, non mais attendez, Al Corley, qui est Al Corley ? Eh bien, je viens de le lire, c'est un acteur qui est joué dans la série Dynasty. Oui. C'est compliqué d'animer cette émission avec un poisson rouge, je peux vous le dire. C'est un avantage sympathique, c'est que toutes les deux minutes, elle arrive et elle dit « Oh bah bonjour, qui êtes-vous » Mais quand même, à gérer à l'antenne, je peux vous dire que c'est ma croix. Céline ! Oui ! Eh bien, c'est moi qui vous pose les questions, du coup. D'accord. Vous donnez les réponses. Bonne, ce serait mieux. 10 bonnes réponses d'affilée, c'est un chèque de 1000 euros. C'est possible, ça a déjà été fait ce matin entre 9h et 10h. Si vous ne savez pas, je le dis, Céline, passez. Ça permet de gagner un peu de temps. Souvent, on hésite parce qu'on a la réponse au bout de la langue, sur le bout de la langue, mais le temps de la gratter, de retrouver le bout de la langue, et ben on perd du temps. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, on va essayer, un peu stressé, mais on va essayer. Top chrono. Comment s'appelle le chanteur des Rolling Stones ? Mick Jagger. Quel objet en forme de soucoupe lance-t-on sur la plage ? Je passe. De quel héros de bande dessinée Rastapopoulos est-il l'ennemi intime ? Je passe. Quel légume a pour variété le Camus de Bretagne ? Le chou. Quel humoriste a créé le Marrakech du rire ? Jamel. Quel animal à 8 pattes donne son nom à une pièce de viande de bœuf ? Je sais pas. Quelle série télé américaine met en scène Dewey et ses frères turbulents ? Dewey, si vous préférez. Oui, 8 à la maison. Comment appelle-t-on la végétation typique de la Corse ? Je passe. Quel prénom est aussi le plus jeune enfant d'une famille ? Junior. Quelle actrice est Cléopâtre dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ? Je sais pas. Quelle marque est à l'origine du célèbre soutien-gorge cœur croisé ? Playtex. Playtex, on vous le prend ? Oui, bah oui, quand même. Et franchement, j'ai été nulle. Cœur croisé de Playtex ? Non, vous n'avez pas été nulle. Vous avez été un petit peu stressé. Oui. Bah ouais, mais c'est de la faute de Bruno avec son... Avec votre blind test, là, avec, vous savez quoi, avec Al Corley, là. On survivra. On survivra à ce blind test. Je te tue. Ouais, j'en pierre contre toi. Ouais, mais là, je vous le compte pas, c'est pas dans les questions. Allez, on fait un point sur vos réponses juste après ça. Belle matinée sur RTL. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a 10 euros offerts en bons d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tout le magasin. Oui, tout. Alors profitez-en vite, c'est seulement jusqu'au 13 août. Conforama, conditions en magasin et sur conforama.fr. Si je vous dis côte à peine rosée sur le grill, vous le sentez le barbecue là ? Une côte accompagnée de sa douce moutarde, vous me dites ? Ah, du veau, c'est bon ! Et si je vous dis terrasse ensoleillée, retrouvailles entre amis, mais surtout plaisir des papilles, vous me dites ? Ah, du veau, j'en veux ! Côte, brochette ou saucisse de veau, cet été soyez créatif autour du barbecue. Bravo le veau ! Plein de recettes sur bravolevo.com. Attention pour la photo, 1, 2, 3, Brit ! Cet été, affichez vos plus beaux sourires de vacances dans l'un des 130 Brit Hôtels partout en France. Réservez sur brithotel.fr ou l'appli mobile et faites-le plein de Brit. Leclerc. Juliette, attends-moi, je vais nous prendre des pêches et des nectarines. Ah ouais, c'est très très bon ça. Bien sûr que c'est très bon de manger des fruits de saison cultivés en France. Et l'été, c'est la pleine saison. Des pêches et des nectarines, jaunes ou blanches. Voilà, et à prix Leclerc. Du 18 au 21 juillet chez Leclerc, les pêches et nectarines jaunes ou blanches, calibre A Origine France, sont à 1,99€ le kilo. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Elles sont sucrées et juteuses, j'adore. Un vrai bon fruit de saison. Lors de mes voyages, j'ai côtoyé le meilleur, mais j'ai aussi vu le pire. J'ai vu des familles perdre leurs terres et des enfants souffrir de la faim. Même si ces enfants ne sont pas les miens, j'ai décidé de faire un legs, parce que l'humanité est une seule et grande famille. Avec le CCFD Terre Solidaire, j'apporte ainsi ma pierre pour construire un monde plus juste. Demandez notre brochure legs. Appelez au 01 44 82 80 82. CCFD Terre Solidaire. Tous humains contre la faim. Un clafoutis aux tomates cerises de Véronique Debure, le roman de votre été. C'est l'histoire pleine de tendresse de Jeanne, une grand-mère nonagénaire. Sur 4 saisons, à travers son journal intime, elle nous fait partager ses humeurs et ses souvenirs. D'événements minuscules en réflexion désopilante, cette géniale grand-mère nous raconte sa vie de Parisienne exilée à la campagne. Un clafoutis aux tomates cerises est une sublime déclaration à la vie, un beau message sur la transmission entre générations. Un clafoutis aux tomates cerises de Véronique Debure, en poche, aux éditions J'ai lu. Bruno Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz de l'été sur RTL. Et Céline qui a joué avec nous il y a quelques secondes, qui a tenté de répondre aux questions que je lui ai posées. Céline, 8 bonnes réponses, c'est le score à battre pour le séjour au parc Astérix. Oui. On revient sur vos réponses avec Caroline Diamant. Absolument. Le chanteur des Rolling Stones, c'est bien Mick Jagger, mais... L'objet en forme de soucoupe qu'on lance sur la plage, c'est un frisbee. Mais oui, mais vous étiez stressé. Le héros de bande dessinée, Rastapopoulos, est l'ennemi intime de Tintin. Tintin. Ouais, oui. C'était plus Lucky Luke. Oui. Mais c'est votre droit. Le légume qui a pour variété le camus artichaut. De Bretagne, ce n'est pas le... Voilà, c'est l'artichaut. Mais oui. Non. C'est... Il y a une musique de cornemuse derrière moi. Oui, c'est par rapport à la Bretagne, c'est Ah, d'accord. Une musique bretonne. Ah, parce qu'en plus, les légumes ont des régions. Voilà. Alors, d'accord. Il va falloir vraiment reprendre tout depuis le début. Vous savez quoi ? Moi, j'ai une grande sœur qui est professeure des écoles. Et je pense qu'à un moment, peut-être qu'elle peut faire des heures sup et vous filer un coup c'est dans l'été. Oui, vraiment. Oui, d'accord. Alors, l'animal à 8 pattes qui donne son nom à une pièce de viande de bœuf, c'est l'araignée. C'est un très bon morceau de bœuf. Jamais compris le rapport, mais on nous expliquera un jour. Quant à la série télé américaine qui met en scène Dewey et ses frères turbulents, vous m'avez dit 8 à la maison. C'est pas 8. 8, déjà, c'est 7 à la maison. Et oui. C'est pas 7 à la maison, puisque la série s'appelle Malcolm. Écoutons le héros de la série. Le pasteur Roy, il dit que Dieu est tellement plus grand et intelligent que nous qu'essayer de le comprendre, c'est comme si une fourmi essayait de me comprendre, moi. Oui, exactement. Mais nous devons croire en son immense bienveillance et par-dessus tout savoir qu'il veille sur nous tous. Ben oui, comme moi avec la grosse fourmilière du jardin. J'ai passé des jours entiers à regarder les fourmis et essayer de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises. Mais tout ce que je voyais, c'était des insectes. Alors j'ai commencé à les punir. Je crois que ce n'est pas très... Je les ai punis avec le tuyau d'arrosage, avec l'essence à briquet, avec la tondeuse à gazon. Et pour être tout à fait honnête, j'ai perdu les pédales avec la grosse pelle. Et si ça se trouve, les fourmis priaient pour moi tout le temps. et j'entendais rien. Mais maintenant, dans les vérifications, on met les épisodes en entier des séries. C'est un nouveau délire. Alors, c'est un peu long, mais après, à vous d'imaginer les images qui vont avec, forcément. Notre réalisateur François Touchard a le droit de se faire un peu plaisir aussi. La végétation typique de la Corse s'appelle le maquis. En plus, j'y vais l'année prochaine. Ah! Le prénom du plus jeune enfant d'une famille, c'est le Benjamin. Oui, oui. Et enfin, la sublime actrice qui incarne Cléopâtre dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est Monica Bellucci. Ma reine, alors ça, quelle bonne surprise! Qu'est-ce que... Assez! Je suis sortie du palais en courant, sans prendre le temps de m'échanger, quand j'ai appris ce qu'il s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on fait un pari, il faut être sport. Oui. Et c'était mon droit de faire appel aux Gaulois. Mais j'ai jamais dit le... Si je peux quand même... Non mais je... C'est pas un pays conquis ici. La seule reine d'Égypte avec un accent italien. Mais dans le génial film d'Alain Chabat. Bon, Céline, nous avons trois bonnes réponses à votre actif ce matin. Non, c'est pas une catastrophe. Ça vous permet de repartir avec une montre RTL. C'est déjà une belle chose, évidemment. Merci. Ça ne sera pas assez. Merci. Pour gagner le séjour au parc Astérix. Mais vous aurez l'occasion de rejouer avec nous, Céline. On vous embrasse. Merci. Des je peux bisous. Un petit coucou. Faites comme chez vous. Un petit coucou à toute ma famille et surtout à ma petite fille qui a 6 mois. C'est un réel plaisir, mon petit bonheur. D'accord. Et avant que vous partiez, je vous en mets un petit dernier. Oui, allez-y. Attention. Europe, avec leurs magnifiques cheveux. Et voilà, c'est ça, exactement. Allez, on vous embrasse, Céline. Plein de bisous. Merci, plein de bisous, au revoir. Au revoir. On parlait d'Égypte tout à l'heure avec Cléopâtre. Regardez l'enchaînement, les amis. Ah ben non, mais j'étais champion d'Europe d'enchaînement. C'était à Dublin. C'était pas en gym, hein. En 2008. Egypt Station, c'est le nouvel album de Paul McCartney. Et voici le nouvel extrait I Don't Know sur RTL. I got crows at my window, dogs at my door. I don't think I can take anymore. What am I doing wrong? I don't know. My brother told started to rain. Where are Le nouveau Paul McCartney sur RTL, I don't know. Cet été, QVC vous fait gagner une voiture de 25 000 euros et de nombreux bons d'achat. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur QVC.fr en tapant les lettres Q, V et C.fr. Belle matinée sur RTL. RTL Petit Matin. Bonjour, c'est Bérénice Bourgueil. Et n'oubliez pas, demain, on met tous notre réveil à 5h sur RTL. Au menu, des jeux, de la musique, de l'info et même des animaux. Bref, on va commencer la journée en s'amusant. Alors rendez-vous demain à 5h sur RTL. 5h, 6h30. Bérénice Bourgueil, RTL Petit Matin. Leclerc. Papa, viens voir, pour les vacances, on a un Leclerc Drive pas loin de la location. Fais voir. Ah ouais, ça c'est génial. On va pouvoir faire les courses depuis la plage, j'adore l'idée. On peut même les faire avant de prendre la route, comme ça t'arrives et paf, les courses sont faites. Trop fort. Profitez pleinement de votre été en commandant vos courses du quotidien directement sur votre lieu de vacances, sur l'application Leclerc Drive ou sur leclercdrive.fr. À retirer dans l'un de nos 650 drives. En quelques clics, les mêmes prix qu'en magasin, on optimise les vacances. Et si en plus t'envoies maman récupérer les courses? Non mais ça va pas toi. Attention pour la photo, 1, 2, 3, Brit. Cet été, affichez vos plus beaux sourires de vacances dans l'un des 130 Brit Hôtels partout en France. Réservez sur brithotel.fr ou l'appli mobile et faites le plein de Brit. Avec Comme J'aime, vous pouvez perdre en moyenne 6 kilos le premier mois. Voici les témoignages de nos clients. J'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Moi 9 kilos en 2 mois. Et moi 25 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 collations, 7 dîners, gratuit. Soit 28 repas gratuits. Et en plus, la livraison est offerte. Alors appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Conditions de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL. Sur RTL. Tous les jours de l'été, 9h15, 11h, le grand quiz de l'été. Vous jouez avec nous en appelant le 3210 ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Nous allons accueillir sans plus attendre Sébastien qui est à Aix-en-Provence. Bonjour Sébastien. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Sébastien, bienvenue sur RTL. Merci. Aix-en-Provence, quel plaisir d'être à Aix-en-Provence là sur ce mois de juillet, sur ce mois d'août. Vous préféreriez être à Aix-en-Provence qu'avec moi ici, enfermé dans un studio? Vous n'aimeriez pas ma réponse. Je la connais votre réponse, je ne suis pas né d'hier. Sébastien, vous travaillez pour une compagnie aérienne? C'est ça. On peut la citer ou pas? C'est une grande compagnie aérienne, voilà. D'accord. Ah. D'accord. Bon. Donc, c'est pour les petites compagnies aériennes. Vous êtes chez Air France? C'est ça. Ouais, oui, on peut le dire, évidemment. Bah, bien sûr. Oui. On va prendre vos coordonnées en dehors, parce que j'aime bien essayer d'être surclassé. Sébastien, Je vois qu'en sport, vous pratiquez du paddle tennis. Je pense qu'il y a une virgule entre les deux. Vous jouez pas au tennis sur une planche de paddle? Non, ça se fait pas. Non, au paddle, je pense que vous connaissez, c'est le format un petit peu plus court que le tennis sur un terrain qui ressemble un peu à un terrain de squash avec des parois vitrées, voilà, c'est assez sympa. D'accord, et ben vous savez quoi, je découvre quelque chose. Moi je croyais vraiment que d'un côté vous pratiquiez le paddle, voilà, vous faisiez des petites balades sur la mer, et de l'autre côté vous faisiez du tennis. Je ne savais pas que le paddle tennis existait. Ah, c'est pas une vanne, le paddle tennis ça existe? Non, c'est espagnol, voilà, ça vient d'Espagne. Mais il vient de nous l'expliquer, Caroline. Mais vous écoutez l'émission? Mais est-ce oui. que, là, regardez, quand ma bouche bouge, est-ce que c'est moi que vous entendez ou vous entendez une voix féminine qui donne les informations? Peut-être qu'en fait, le problème de Caroline dans cette émission, son casque n'est pas branché sur RTL. C'est peut-être ça le souci. Mais non, mais je croyais que Sébastien nous faisait une petite plaisanterie. Non, il nous expliquait le tennis. Bon, Sébastien, un peu de musique. Je vois que vous êtes fan des frères Gallagher. On met toujours Wonderwall, je vous en mets un autre, moi. Bon, c'est vrai qu'il met pas la pêche de ouf. Peut-être mettre celui-là à la place. Et après toutes ces considérations musicales, je vous invite à répondre aux questions que Caroline va vous poser maintenant. On fait un point pour l'instant depuis le début de cette heure. Nous avons Damien avec 8 bonnes réponses. Nous avons eu Céline avec 3 bonnes réponses. Vous l'avez compris, Sébastien, à moins de 8, vous n'êtes plus dans la course pour le séjour au parc Astérix. Est-ce que vous êtes prêt, cher Sébastien ? Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Quelle couleur associe-t-on à une énorme peur ? Un bleu. À quel écrivain doit-on le roman Le Comte de Monte Cristo ? Je passe. Quel est l'autre nom des squales ? Les requins. Comment s'appelle la matière en fusion qui émane des volcans ? La lave. Quel chanteur a composé la musique de la comédie musicale Les Dix Commandements ? Les Chouraki. Quelle sauce blanche accompagne les endives au jambon ? La béchamel. Quelle grande ville du Gard est célèbre pour ses arènes ? Nîmes. À quel chanteur doit-on le titre La fille du Père Noël ? Je passe. Avec combien de dés joue-t-on au Yams ? 3. Quelle actrice partage l'affiche avec Gérard Depardieu dans le film Quand j'étais chanteur ? Je passe. Quel nom donne-t-on au petit du dindon ? Je passe. Quel passeport a fait suite en 2009 au passeport électronique ? Biométrique. Quel sport pratiquent les frères Karabatic ? Le handball. Quel oui. fruit est présent dans le thé Earl Grey ? Le bergamote. On regarde la mère Foura. Non, la mère Foura, je peux dire... Déjà, vous avez commencé à poser la question sur le gong, Caroline. D'accord, donc okay. C'était à vous, elle vous faisait signe avec son pouce en passant sous la gorge, comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis... C'est pas bon signe. C'est pas bon signe, elle en veut à votre intégrité physique. Sébastien, on va revenir sur vos réponses dans quelques secondes, juste après ça. Bonne matinée et bel été avec RTL. Et maintenant, la météo avec la paire. Le temps sera calme et ensoleillé, avec un ciel dégagé sur l'ensemble du magasin. Attendez-vous tout de même à de possibles coups de foudre au rayon salle de bain. Jusqu'au 6 août, ce sont les beaux jours des prix bien faits chez La Paire. Et on vous offre moins 15% sur tous les meubles de salle de bain. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Si je vous dis côte à peine rosée sur le grill, vous le sentez le barbecue là ? Une côte accompagnée de sa douce moutarde, vous me dites ? Ah, du veau, c'est bon ! Et si je vous dis terrasse ensoleillée, retrouvailles entre amis, mais surtout plaisir des papilles, vous me dites ? Ah, du veau, j'en veux ! Côte, brochette ou saucisse de veau, cet été, soyez créatifs autour du barbecue. Bravo le veau ! Plein de recettes sur bravolevaux.com. Des rencontres sur Internet ? Oui, je sais que ça se fait, mais je ne saurais pas par où commencer. Allez sur Internet, connectez-vous sur le site disonsdemain.fr. Découvrez des personnes qui vous ressemblent. C'est facile sur disonsdemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Leclerc. Juliette, attends-moi, je vais nous prendre des pêches et des nectarines. Ah ouais, c'est très très bon ça. Bien sûr que c'est très bon de manger des fruits de saison cultivés en France. Et l'été, c'est la pleine saison. Des pêches et des nectarines, jaunes ou blanches. Voilà, et à prix Leclerc. Du 18 au 21 juillet chez Leclerc, les pêches et nectarines jaunes ou blanches, calibre A origine France, sont à 1,99€ le kilo. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Elles sont sucrées et juteuses, j'adore. Un vrai bon fruit de saison. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Sébastien d'Aix-en-Provence, on revient sur vos réponses. Et oui, le bleu est associé à une énorme peur, mais je vais l'associer à une chanson d'Étienne Dao parce que j'adore Étienne. Ça, un petit Dao un matin, un petit Dao. Ah oui. L'écrivain qui l'on doit le Comte de Monte Cristo, c'est Alexandre Dumas. Cher Sébastien. Eh oui. Interprété avec talent et brio dans une adaptation télé par Gérard Depardieu. Crois-tu que j'aime être le Comte de Monte Cristo ? C'est un homme terrible, impitoyable et froid. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d'être Edmond Dantès. Je n'attendais rien d'autre de la vie. Edmond Dantès. Quel chanteur a composé la musique de la comédie musicale Les Dix Commandements ? Vous m'avez cité Elie Chouraki. Elie Chouraki a mis en scène, mais la musique ! Ah ! Pascal Obispo. Le chanteur Obispo, chanteur de Daniel Lévy. Pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Je crois que je l'ai vu, sans exagérer, une dizaine de fois. À l'époque où c'est passé à Paris, à un stade où à un moment, je pense qu'un des artistes sur scène aurait eu un malaise, je pouvais le remplacer au pied levé. Même la femme de Moïse. Je pouvais remplacer la femme de Moïse et lui dire, tiens, hop, tu vas faire la vaisselle, le ménage, passer le balai et je dois trouver cet autre commandement. Il n'y a pas de problème. Bon, Sébastien, la béchamel, c'est bon. C'est cette sauce blanche qui accompagne les endives au jambon. Par contre, la fille du Père Noël. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. C'était Jacques Dutronc. Au Yams, on joue avec 5 dés et non pas 3. 3, c'est pour le 421. Cécile de France accompagnait Gérard Depardieu dans le film « Quand j'étais chanteur » et le petit du dindon s'appelle le dindonneau. Ce qui nous donne, Sébastien, 7 bonnes réponses. Ça s'est joué à pas grand-chose. Les 8 étaient juste à côté. 7 bonnes réponses, c'est une montre RTL pour vous, cher Sébastien. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Caroline. On vous embrasse. Continuez le paddle tennis. Le paddle tennis. Je vous remercie à vous et je vous souhaite également une bonne journée et de bonnes vacances. Eh bien, merci. Vous savez quoi ? On va faire en sorte que les vacances soient bonnes en accompagnant les auditeurs d'RTL tous les jours, entre 9h15 et 11h. C'est le grand quiz de l'été. Encore un candidat ou une candidate avant 11h du matin pour tenter de repartir avec un séjour au parc Astérix. Le temps d'écouter Knock on Wood, Amy Stewart sur RTL. Knock on Wood, Amy Stewart sur RTL. Belle matinée sur RTL. Les Ormes de Cambrasse. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil? Les Ormes. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés? Les Ormes. Qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût? Les Ormes. Et où tout le monde se retrouve? Eh oh! Sous les Ormes de Cambrasse. Les Ormes de Cambrasse, vin du Pays d'Oc. Tout le monde se retrouve sous les Ormes de Cambrasse. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Conforama, le confort pour tous. Quand on propose moins 50% sur le canapé d'angle à rôle de convertible avec son assise en cuir, soit 799€, on pense à tous ceux qui aiment recevoir. Et à vous qui aimez faire des économies. Conforama, jusqu'au 13 août, conditions magasin et sur conforama.fr. Dernière danse de Mary Higgins Clark. L'été arrive et il commence par une fête, une grande fête. Un conseil, restez-y jusqu'au bout, jusqu'à la dernière danse. Car c'est là, et seulement là, que vous saurez si vous avez rendez-vous avec l'amour ou avec la mort. Dernière danse. Quand Mary Higgins Clark mène le bal, tout devient possible. Un suspense, Albin Michel. Et maintenant, qui nous propose aussi des vins moelleux, blancs ou rosés, à déguster bien frais? Les Ormes de Cambrasse. Tout le monde se retrouve sous les Ormes de Cambrasse. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le grand quiz de l'été sur RTL. Grand quiz de l'été, les 5 dernières minutes. Ce n'est pas une série télé. Ou si, c'est une série dont Sophie est l'héroïne, puisque c'est notre dernière candidate de la matinée. Bonjour Sophie, bienvenue sur RTL. Bonjour, merci beaucoup. Sophie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous reste à battre Damien avec 8 bonnes réponses, ou alors les égaler. Mais si vous en avez 9, c'est vrai que c'est plus simple. Le séjour au parc Astérix, c'est à vous. Alors Sophie, je vois que vous aimez Retour vers le futur. Je ne me lasse jamais de le regarder. Et j'adore ce titre qu'on retrouve dans la bande originale. Ça nous ramène dans les années 50. Mr. Sandman. Il y avait une marque de distribution qui utilisait ça pour faire de la pub à une époque. Bon, Sophie, allez, on y va pour les questions. Un maximum de bonnes réponses. 8, 1, c'est le score à battre pour gagner le séjour. Top chrono, c'est parti. Comment s'appelait l'arbitre des mythiques Jeux de 20h? Oh là, je passe. Quel bracelet métallique désigne familièrement les mains d'un enfant? Je passe. Dans quelle discipline s'illustre Brian Joubert? Je sais plus, je passe. Quel type de film peut être spaghetti? Je sais plus, je passe. Quelle était la nationalité du peintre Vincent Van Gogh? Hollandaise. Quel animal crache quand il est en colère? Un serpent. Dans quel film Catherine Froux interprète-t-elle une cantatrice qui chante faux? Marguerite. Que peut-on faire en portefeuille pour faire une blague à quelqu'un? Je passe. Quel style de musique est au cœur du festival d'Antibes Juin-les-Pins actuellement? Je sais pas, classique. C'était le jazz. D'ailleurs, chaque soir de la semaine, Jean-Yves Chaperon est en direct sur RTL de 23h à minuit à l'occasion du festival d'Antibes Juin-les-Pins. Bon, on va faire un point sur vos réponses. Il y a eu un peu de stress, je crois, Sophie. Ouais, beaucoup, beaucoup, oui. Oh. Alors, vous êtes un peu jeune, c'est vrai, pour connaître Maître Capello qui faisait l'arbitre des Jeux de 20h. Bonsoir, riverain de la Manche. Race. R-A-C-E. Race. Oh que non, CRA 2SE, madame. Ne fais pas le poids. Alors, vous avez perdu la main, monsieur. Trace. Attendez, trace avec un T, j'ai entendu de la trace, madame. Mademoiselle, qu'avez-vous proposé? Trace, T-R-A-C-E. Ah, excusez-moi, madame. Les mots isolés, quelquefois, sont difficiles à comprendre. J'adorais Maître Capello. Mais oui, il mettait de l'argent dans son petit nourrin. On adorait son petit nourrin. Les bracelets métalliques qui désignent les mains d'un enfant, ce sont les menottes. Les menottes, Brian Joubert est un champion français de patinage artistique. Ah oui. Et les westerns sont spaghettis. Bon, alors. Ah, c'est pas beaucoup. Évidemment, vous vous vous en doutez, ce ne sera pas suffisant pour le séjour au parc Astérix. Avec deux points néanmoins, je vous offre une montre RTL, Sophie. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Je vous embrasse. Belle journée. Merci, vous de même. Merci, bonne journée. Et c'est donc Damien qui avait commencé l'heure avec nous tout à l'heure, qui est l'heureux élu. Damien, rebonjour. Vous partez au parc Astérix en famille. Profitez des 45 attractions et des spectacles. Le parc est ouvert jusqu'à 22h tout l'été. Ça s'applaudit, bien Bravo. Sûr. Pierre et Manon vont être contents. Ah ben là, ils se sont transformés en kangourous. Là. Ouais. Dans le salon, donc. Tous les samedis soirs de l'été, vous allez pouvoir découvrir Le ciel vous tombe sur la tête, un spectacle son et lumière unique. Allez voir des images, hein. Vous aussi, auditeurs d'RTL, sur parcastérix.fr. Le séjour comprend les quatre entrées, bien entendu, avec une nuit à l'hôtel Les Trois Hiboux, ou alors la cité suspendue, ou dans un des hôtels partenaires du parc Astérix. On prend en charge également les quatre petits déjeuners et les quatre dîners. Important. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Merci RTL. Félicitations. On vous embrasse. Oui. Merci, bonne journée. Bonne journée. On sent que les enfants sont contents d'aller. Vous savez quoi, la dernière question sur le western m'a donné envie de partir à cheval. Écoutez, RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka et son équipe. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, mettez-moi en bouche, donnez-moi un mot qui va me mettre en appétit. Allez, je vais vous dire. Vous voulez faire du cheval, vraiment? Oui. Dans une émission qui ne manquera pas de sel, puisque nous avons appris grâce à vous aussi que la carotte était le légume préféré de Bugs Bunny aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous voulez vous remercier. C'est vrai.